Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Les étés sont-ils propices aux découvertes? Probablement. En tout cas, cela fut le cas pour moi l'année 1966, où, tout enfant, je découvrais les peintures murales de Tarquinia dans le Latium. De cet instant, j'ai gardé un livre in quarto, couleur défraîchie, démodée, mais qui évoque à mes yeux ce bref moment en Étrurie. Rome, la Grèce, une archéologie plus exotique me fit reléguer ce passé. Toutefois, 47 ans après, c'est avec quelque émotion que je me repenche sur ce bref instant de l'histoire, 8 siècles d'un passé étrusque. Pour nous guider, 2 invités étruscologues de surcroît, Jean-Paul Tullier, Vincent Jolivet, bonjour. Bonjour. Jean-Paul Tullier, vous êtes dit professeur émérite et directeur du département des sciences de l'Antiquité à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Vincent Jolivet, vous êtes directeur de recherche au CNRS et fouillé actuellement en Étrurie. Bien entendu, nous prendrons prétexte de l'exposition du musée Mayol de l'apparition d'un gros livre chez Gallimard pour évoquer vos recherches. Jean-Paul Tullier, existe-t-il un mystère étrusque? Oui, peut-être tout simplement dans l'origine même de cette culture, de cette civilisation? Oui, le mot mystère, c'est souvent le premier mot qui revient à propos des Étrusques, même si les étruscologues auxquels vous avez fait allusion ne l'aiment pas beaucoup, parce que c'est le mot mystère laisse place à toutes les dérives, à toutes les explications plus ou moins fantaisistes. Mais en tout cas, c'est vrai que ce mystère étrusque dont on parle depuis très longtemps repose sur 2 questions. La question des origines, 2 questions qui sont liées d'ailleurs. La question des origines et la question de la langue, 2 questions sur lesquelles nous reviendrons sans doute. Alors justement, les Étrusques faisaient eux-mêmes remonter leur histoire à la fin du 2e millénaire, le 11e siècle avant notre ère. Faut-il la rechercher pour partie dans le premier âge du fer et une culture dont on connaît absolument que très peu de choses, hormis peut-être quelques bols et incinérations, ce que l'on appelle la société villanovienne? Oui, oui, je crois qu'on peut même faire remonter les Étrusques un petit peu plus haut en arrière, à la fin du 2e millénaire, avant même le début de ce qu'on appelle la période villanovienne. Mais dans l'âge du bronze, donc, peut-être même. La fin de l'âge du bronze. Oui. Mais vous êtes peut-être un petit peu pessimiste en disant qu'on ne connaît pas grand-chose sur la période villanovienne. On a quand même fouillé maintenant beaucoup de nécropoles qui ont livré suffisamment d'informations. Et là, vous parliez de ces urnes biconiques qui sont effectivement le trait essentiel de ce faciès villanovien, comme on dit parfois. Et là, quand même, on arrive à reconstituer un petit peu l'histoire de ces 2 siècles, mettons en gros le 9e et le 8e siècle avant notre ère, pour rester très général. Pour vous contrecarrer, je dirais que ce ne sont que des vases et des cendres. On n'a pas d'habitat, on a peu de choses quand même sur ce complexe, ce premier âge du fer. On n'a pas beaucoup d'habitat, effectivement, parce que c'est un peu l'histoire de l'archéologie qui fait qu'on s'est plus intéressé aux tombes elles-mêmes, mais on commence à connaître un certain nombre de cabanes, de regroupements de cabane, et Vincent Jolivet qui fouille à Tarquinia sait qu'il en existe à Tarquinia même, qui sont très, très intéressantes. Et puis il n'y a pas que de la céramique et des cendres, il y a aussi quand même beaucoup d'objets métalliques particulièrement brillants et on pourrait même dire beaux dans certains cas. C'est ce qu'on voit au musée Mayol, où toute la première partie de l'exposition est consacré précisément à la civilisation villanovienne. Et ça s'ouvre justement par une évocation de l'habitat avec des urnes cabanes, donc des urnes cinéraires dans lesquelles qu'on déposait dans les tombes. Et si l'on observe de près ces urnes cabanes, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout dans la conformation d'une cabane de berger. Hein. C'est déjà des habitations qui sont extrêmement complexes, qui appartiennent à des chefs de clan, des chefs d'un regroupement de cabanes. Et on voit également leurs armes et leurs parures. les différentes théories qui se sont succédées sur ces origines des Étrusques ont-elles été empreintes d'idéologie chez les chercheurs ? Il y a beaucoup d'idéologie en archéologie, souvent. Je crois qu'il y a toujours beaucoup d'idéologie en archéologie. C'est sûr que à partir du moment où on se penche sur la question des origines, on peut difficilement échapper à cette question. Personne ne peut être totalement objectif sur ce point. C'est le cas d'ailleurs depuis l'Antiquité. Les premiers auteurs qui ont formulé des hypothèses à ce sujet, que ce soit Hérodote ou Denis d'Halicarnasse, pour parler de ces auteurs grecs, eux-mêmes étaient poussés par des intérêts idéologique. Par exemple, pour dire simplement un mot, Denis d'Halicarnasse est le seul qui soutienne la thèse de l'autochtonie des Étrusques, et on a parfaitement montré que c'était pour lui quelque chose, peut-être que ça correspond à une réalité, mais en tout cas, il avait des raisons particulières de défendre cette thèse pour mettre en avant le fait que les Romains étaient d'origine grecque, et il voulait réserver les origines orientales aux Romains, et donc, par conséquent, il fallait que les Étrusques soient des autochtones. Alors, il y a bien sûr les thèses de l'origine autochtone. Dans ces cas-là, il y a forcément aussi les thèses des origines allochtones, donc étrangères, c'est bien ça ? Oui, justement, je faisais allusion à Denis d'Halicarnasse d'un côté, à Hérodote de l'autre, qui est celui qui défend la thèse de l'origine orientale des Étrusques, que les Étrusques seraient venus d'Asie mineure, plus particulièrement de la région qui s'appelle la Lydie, et c'est la thèse qui a eu le plus de succès dans l'Antiquité pendant plusieurs siècles. Il y a une troisième thèse, mais qui est une thèse récente, qui fait venir les Étrusques du Nord. Et bien évidemment, là, les archéologues et les historiens allemands, qui ont joué un rôle important dans l'histoire de l'archéologie, n'étaient pas défavorables à cette hypothèse. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui consensus au niveau de cette théorie dans le monde de l'étruscologie ? Ce qui fait consensus, en attendant les résultats de la génétique, parce que là, on peut peut-être espérer des résultats très intéressants de ce côté-là, il commence à y avoir des choses, on ne peut pas aboutir à une conclusion certaine, mais en tout cas, on commence à avoir des renseignements importants. Mais je crois que ce qui fait à peu près consensus aujourd'hui, c'est l'idée que la question des origines est intéressante, mais qu'elle doit passer derrière la question de la formation, derrière l'histoire du peuple. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment le peuple étrusque s'est constitué pendant tout le premier millénaire avant notre ère. L'exposition Mayol commence par la période villanovienne, ça va jusqu'à la fin des Étrusques, si on peut employer ce terme, en tout cas la fin politique des Étrusques, en 264 avant notre ère. Et c'est toute la période intermédiaire qu'il s'agit de reconstituer, grâce à l'archéologie en particulier. Vous me parliez d'analyse génétique. J'ai cru que certaines analyses avaient été faites. Vous êtes au courant de ces résultats ? Oui, bien sûr. Il y a un certain nombre d'analyses qui ont été faites et qui semblent, mais c'est assez difficile de se prononcer aujourd'hui, mais qui semblent aller plutôt dans le sens justement de l'origine orientale. Ce qui ne satisfait pas forcément tout le monde, mais il faut... Oui, il faut quand même les prendre avec beaucoup de prudence. Il faut effectivement être très prudent. C'est véritablement tout à fait extraordinaire que des petits villages isolés aient échappé aux vagues successives d'invasions de populations qui ont traversé l'Italie depuis. Finissons-en peut-être avec les mystères. La langue étrusque, souvent jugée hermétique, a forcément suscité la curiosité. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'elle est réellement indo-européenne ou pas ? Ah non, je crois qu'au contraire, on peut dire que l'étrusque n'appartient pas, même si c'est encore un petit peu discuté aujourd'hui, que l'étrusque n'appartient pas au groupe des langues indo-européennes. Et c'est vrai pour des raisons de lexique en particulier, et pour des raisons de morphologie, mais c'est surtout la question du lexique, du vocabulaire qui est importante. Le fait que tous les chiffres en étrusque portent des noms que l'on ne retrouve absolument pas dans les autres langues indo-européennes, comme le latin et le grec, pour s'en tenir à celle-là. Les termes de parenté également sont complètement différents. Fils en étrusque, ça se dit clan. C'est un mot que l'on ne retrouve absolument pas dans les autres langues indo-européennes. Et ce sont deux catégories de vocabulaire qui sont très conservatrices et qui montrent que l'étrusque doit être considéré comme étant à part. Il y a aussi des questions de morphologie. L'étrusque est plutôt une langue de type agglutinant, comme le turc, justement. Et le finno-hongrien. Le finno-hongrien, oui, bien aussi. Sûr. Mais c'est une question plus délicate, parce qu'il y a quand même des aspects aussi agglutinants dans d'autres langues. Et justement, cette langue non indo-européenne n'est-elle pas quelque chose qui peut conforter la thèse de l'allochtonie ? Elle conforte toutes les thèses, si je puis dire, puisque ça peut être effectivement d'une origine extérieure, mais ça peut être aussi pré-indo-européen, c'est-à-dire des autochtones qui étaient là avant les diverses vagues de populations parlant des langues indo-européennes. Vincent Jolivet, est-ce que vous pourriez nous planter le cadre justement de ces Étrusques ? Ils émergent à peu près quand ? On sait qu'ils finissent vers 264 avant notre ère, mais avant. Alors moi je descendrai d'abord un peu plus bas dans l'histoire des Étrusques parce que on s'aperçoit de plus en plus que les derniers siècles de l'Étrurie, même après la conquête politique de Rome, ces derniers siècles sont en fait des siècles très brillants où on n'assiste pas du tout au départ, en tout cas, disons, jusqu'en 90 avant Jésus-Christ, jusqu'à la guerre sociale, à l'effacement des traits caractéristiques de la culture étrusque. On a encore des gens qui sont habillés à l'étrusque, qui banquettent à l'étrusque, qui écrivent de l'étrusque. Ceci simplement parce que la conquête romaine, c'est un sujet très difficile parce qu'on a peu de textes qui s'y rapportent. Certainement, on n'a pas une conquête globale, mais une conquête cité par cité, et qui n'est pas forcément une conquête militaire. Des villes comme Cerveteri, qui étaient très proches politiquement de Rome, ont probablement été intégrées sans grande opposition. D'autres villes, comme Tarquinia ou Vulci, au contraire, paraissent s'être opposées à Rome de manière tout à fait déterminée. Alors bien sûr, les archéologues voient des apogées, voient bien sûr aussi des effondrements, des émergences par force au début. L'apogée, c'est quoi ? C'est le 6e, 5e siècle notre ère, bien sûr. Pour les étruscologues, oui, l'apogée, c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est le siècle d'or de l'histoire étrusque. C'est la période des grandes... Des grandes relations commerciales, le 7e siècle aussi, qui est l'époque orientalisante. Mais l'époque orientalisante, disons, est une époque plus de réception de régions étrangères et qui convergent sur la civilisation étrusque et qui vont la faire évoluer. C'est pas tout à fait un hasard si, à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est un roi étrusque qui prend le pouvoir à Rome et si les Étrusques vont garder ce pouvoir pendant un siècle. Jean-Paul Tulli, vous êtes d'accord ? Oui, je voulais simplement signaler le 7e siècle, parce que du point de vue des objets, les tombes orientalisantes, comme la tombe Regolini-Galassi à Cerveteri, est absolument extraordinaire. Mais c'est vrai que le 6e siècle est très, très important. Si on prend les choses du point de vue historique, on peut simplement citer, sans faire de chronologie fine, et d'ailleurs on ne peut pas avoir vraiment de chronologie fine pour les Étrusques en l'absence de texte, il y a la bataille dite d'Alalia en 540-535 avant notre ère, à peu près, qui voit la victoire des Étrusques alliés aux Carthaginois contre les Phocéens et les Marseillais. Et donc, c'est, d'une certaine façon, ça marque la domination des Étrusques en Méditerranée, dans le bassin occidental de la Méditerranée, et ce qu'on a parfois appelé la thalassocratie étrusque est un des éléments importants de cette civilisation. Vincent Jolivet, l'Étrurie, c'est quoi ? C'est la Toscane, un bout du Latium à peu près ? Alors, c'est toute la Toscane, c'est le donc nord du Latium, l'Italie, on va dire. C'est l'ouest de l'Ombrie, et puis si on veut aussi un petit bout de la Ligurie, du sud de la Ligurie. Donc, disons que, approximativement, c'est un territoire qui est limité par le Tibre vers l'est et par l'Arno au nord. Mais l'Étrurie, c'est aussi deux très vastes zones qui ont été occupées auparavant par les Villanoviens et à l'intérieur desquelles il semble que les Étrusques aient également effectué une série de manœuvres de colonisation et de fondation de grandes cités. Une zone au nord qui est la plaine du Pô, avec Bologne, Felsina, qui est la ville qui en était la ville la plus importante, et au sud, en Campanie, avec Capoue. L'Étrurie, c'est aussi un regroupement de cités-États, on devrait dire même un agrégat de cités-États, 12 en tout et pour tout, puisque visiblement, elle ne coopère que très peu, hormis sur le plan religieux. Oui, on peut parler de ligue ou de confédération étrusque de 12 cités principales. C'est pour ça que les anciens parlaient souvent de la dodécapole, c'est-à-dire d'une ligue de 12 poleis, de 12 cités-États qui, de fait, n'ont jamais eu une politique étrangère commune et dont le lien principal est celui de la langue. Et encore, y a-t-il des différences entre, de ce point de vue et du point de vue de l'écriture, entre les diverses cités étrusques? Et c'est effectivement le point de vue religieux qui reste le plus important. C'est le sanctuaire de la Ligue étrusque qui marque l'unité principale de cette dodécapole. Pour les auditeurs du Salon Nord de France Culture, je rappelle que nous évoquons la société étrusque à l'occasion de l'exposition qui ouvre ses portes au Musée Mayol avec Jean-Paul Tullier, professeur émérite et directeur du département des sciences de l'Antiquité à l'École normale supérieure, rue d'Ulm, et Vincent Jolivet, directeur de recherche au CNRS. Vincent Jolivet, vous fouillez en Étrurie ? Racontez-nous un peu vos expériences de d'abord, terrain. D'abord, j'ai déjà beaucoup fouillé en Étrurie pendant 20 ans, près de Viterbe, c'est-à-dire à 100 km au nord de Rome. On est à l'intérieur du territoire de Tarquinia et sur une frontière qui est une frontière sensible, puisque après la chute de Veille au début du 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est devenu une frontière de contact direct entre le territoire de Tarquinia et Rome. Et on a par titre livre mention de toutes sortes d'accrochages ou d'incursions romaines dans cette zone. Et là, on a mis au jour ce qui a été peu fait en Étrurie jusqu'à présent. Vous savez, on a beaucoup fouillé de tombes, on a beaucoup fouillé de sanctuaires. Les fouilles d'habitat, c'est quelque chose de plus récent et qui a notamment été initié par l'école suédoise de Rome. À l'époque, il faut dire qu'ils avaient un roi, le roi Gustave Adolphe VI, qui finançait très généreusement les fouilles et qui venait lui-même participer aux fouilles. Et les Suédois donc ont mis au jour toute une série d'habitats en Étrurie méridionale. Vous pouvez voir d'ailleurs à Mayol le produit d'une partie de ces campagnes de fouilles, des terres cuites archéologiques extraordinaires. Ce que nous avons mis au jour, c'est une colonie qui a été fondée dans l'arrière-pays Tarquinia par Tarquinia pour se défendre contre les Romains. Et puis vous fouillez aussi une tombe monumentale. Alors actuellement, donc on a repris il y a 3 ans, on a repris la fouille d'une tombe monumentale qui était vraiment trop belle pour qu'on ne la fouille pas, même si nous, notre intérêt principal, c'est tout de même l'étude des maisons. Mais là, il s'agit vraiment d'une des plus grandes tombes étrusques, rupestres, d'époque hellénistique connue. Pour l'instant, on tourne autour, si j'ose dire, puisque ça fait 3 ans qu'on dégage l'extérieur de cette tombe. On sait qu'il y a 2 chambres principales dans cette tombe. Et il faut normalement, toujours être patient en archéologie. Il faut être très patient, absolument. Et normalement, en 2014 et en 2015, on verra ce qu'il y a à l'intérieur de cette tombe. Jean-Paul Tullier, ce que nous connaissons surtout des Étrusques en France, c'est bien entendu ce grand commerce international, cette politique de comptoir qui touchera bien sûr les côtes de Provence. Oui, pas seulement les côtes de Provence et du Languedoc, mais aussi l'intérieur. À Bourges, par exemple, on a trouvé beaucoup de bronzes étrusques tout à fait remarquables. Mais c'est vrai que dans le Val d'Oise aussi, dans le tombe à Chartres. Mais le cas le plus significatif, c'est effectivement celui de toutes ces amphores vinaires que l'on a trouvées sur les côtes de la France méridionale et qui, même si là encore la chose est discutée, semble montrer que ce sont bien les Étrusques qui ont fait connaître le vin à nos ancêtres, ce qui, du point de vue de l'histoire culturelle de la France, n'est pas totalement anodin. Et puis, bien sûr, on se souvient dans la tombe des navires, ces très beaux bateaux et qui évoquent, bien sûr, la chance de certains et la malchance de l'autre. Les Étrusques, c'est aussi la rencontre avec les civilisations de la Méditerranée. On doit parler forcément de la Grèce, Jean-Paul Tullier. Ah ben, il est évident que la civilisation étrusque s'est développée par un phénomène d'acculturation, comme on dit souvent, et c'est en particulier toutes les influences qui peut être discuté aujourd'hui comme celui de romanisation. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose de très important, à commencer par l'écriture. Hein, l'alphabet étrusque est un alphabet grec adapté, et c'est celui que nous avons finalement recueilli. Il faut quand même savoir que si le C est la 3e lettre de notre alphabet aujourd'hui, dans l'ABC, c'est l'intermédiaire étrusque qui est à l'origine de ce C, et non pas du gamma, puisqu'en grec, c'était alpha, bêta, gamma, et la phonétique étrusque explique ce changement. Dans un autre registre, et d'après Tite-Live, les Étrusques auraient été plus religieux que les autres. Reste bien sûr à savoir quelle est leur mythologie. Oui, c'est pour Tite-Live, les Étrusques étaient le peuple le plus religieux du monde, et en particulier dans le domaine de la divination, avec cette technique bien connue qui est celle de la ruspicine. Ils ont été célèbres déjà dans l'Antiquité. Les Romains ont repris beaucoup de choses des Étrusques à ce sujet. Quant à la mythologie, alors précisément, il n'y a pas beaucoup de mythologie étrusque. Il y a quelques légendes apparemment proprement étrusques, mais la mythologie, c'est précisément la mythologie grecque. Pour renvoyer à la question précédente. Justement, la divination, elle perdurera, cette divination étrusque dans le monde romain. C'est quelque chose de très particulier qui perdure. Oui, bien sûr, puisque même, je dirais, dans les derniers siècles de Rome, quand Rome est sur le point de céder devant les diverses invasions, c'est souvent encore, si on s'en tient à la religion païenne, aux aruspices étrusques, c'est-à-dire à ces devins étrusques spécialisés dans l'examen des entrailles des victimes sacrifiées, que l'on fait appel. L'exposition du musée Mayol s'intitule « Un hymne à la vie ». Cela est-il plus justifié que dans d'autres sociétés, à votre avis ? Un grand silence ? Moi, je dirais que par rapport effectivement à la société grecque et à la société romaine d'époque républicaine, on est tout de même davantage dans la joie de vivre et dans l'expression des plaisirs. Bon, il faut dire aussi que les Étrusques avaient tout pour être heureux, enfin en tout cas les aristocrates étrusques, hein, parce que cette exposition ne présente que des objets qui ont un rapport avec une frange assez limitée de la population. Enfin, ces gens avaient tout pour être heureux, puisqu'ils avaient un territoire, un grand territoire qui était extrêmement fertile sur le plan agricole, qui contenait des tas de minerais que les gens venaient chercher chez eux. Ils avaient de l'eau, ils avaient des forêts, ils avaient du sel et ils avaient beaucoup d'argent qui affluait grâce à leur commerce. Effectivement, il semble qu'ils aient passé pas mal de temps dans les plaisirs. Oui, on parlait d'idéologie à l'instant, mais ça c'est essentiel pour cette question, puisque le mode de vie de l'aristocratie étrusque, comme Vincent Jolivet vient de le dire, effectivement était tout à fait fastueux, banquet, jeux, etc. Mais dans l'Antiquité, c'était considéré de façon tout à fait négative. C'est ce que les anciens appelaient en grec la truffée, c'est-à-dire un mode de vie fait de luxe, de luxure, de volupté, de débauche. Et au XIXe siècle, il y a eu un changement. Stendhal, par exemple, a trouvé que c'était très bien. Et les aimables républiques d'Étrurie pratiquaient l'art d'être heureux. Et pour Stendhal, c'était magnifique. Pourrait-on passer sous silence le sport chez les Étrusques, ce sport qui a été l'objet de votre thèse de doctorat, Jean-Paul Tillier ? Ah non, on peut évidemment pas passer même cette si question Vincent sous Jolivet silence. Bien aimé. Non, moi, je suis persuadé qu'il ne faisait pas du tout de sport, et que c'était uniquement les œuvres d'art importées de la Grèce. Mais enfin bon. Mais c'est sûr que ça fait partie du rituel funéraire, comme déjà chez Homère, et sur les peintures de Tarquinia, il y a beaucoup de représentations sportives. Et c'est très intéressant, par exemple, pour les courses de chars, parce que là encore, l'influence sur Rome a été essentielle. L'influence de la Grèce a été moins grande, mais l'influence des Étrusques sur Rome a été essentielle pour les courses de chars. Ben Hur, finalement, est d'origine étrusque. Il y a aussi les deux lutteurs de la tombe des Augures de Tarquinia, qui est bien sûr... Hein. Oui, très belle peinture. C'est une image qui est très souvent représentée parce que c'est très bien conservé, il faut le dire. Et là, on a une image de lutte absolument parfaite avec les bassins entre les deux lutteurs, ces bassins qui sont la récompense du vainqueur et des bassins qui correspondent à la réalité, puisqu'on a retrouvé un bassin du même type dans la tombe de Vix, par exemple. Et qu'en est-il du lancer de gouttes de vin ? Ça existait réellement ou pas ? C'est pas un sport. Alors, ça se terminait parfois par des exercices parasportifs, disons. C'est d'accord. Le jeu du cotabos. Oui. D'accord. Et le sport, en tout cas, était toujours religieux ? Ah, le sport était toujours, oui, c'était dans le rituel funéraire ou bien dans des jeux sacrés. Mais je pense que pour les spectateurs, comme dans le monde grec et dans le monde romain, c'est le caractère spectaculaire qui finissait par l'emporter. Mais en fait, tout ça se passe dans un cadre effectivement religieux. On dit parfois que l'histoire des Étrusques a été exclusivement expliquée à travers les témoignages funéraires. Il faut dire que bon, les nécropoles sont absolument extraordinaires. Celle de Tarquinia, c'est jusqu'à 6000 tombes, c'est bien ça. Mais est-ce que c'est par ce prisme que l'on analyse souvent trop les Étrusques ? On n'a pas forcément le choix. On a peu de... on a peu de textes, hein, et en particulier, on n'a pas de textes qui viennent directement des Étrusques, puisqu'on a perdu toute la littérature étrusque qui était extraordinairement développée, littérature historique, religieuse, dramatique. Et donc, il faut utiliser essentiellement les données de l'archéologie. Et l'archéologie, pendant longtemps, Vincent Jolivet le rappelait, a été pour l'essentiel funéraire. Donc, ce sont les objets et les images qui nous viennent de là, qui nous servent principalement. Et pendant longtemps, on a été à la recherche véritablement d'objets spectaculaires. Donc, ces objets spectaculaires, ces objets entiers, on les trouve où ? On les trouve dans des tombes, d'une part, et dans des sanctuaires. Voilà, c'est pour ça que longtemps, les maisons n'ont pas été explorées. Alors bien sûr, on connaît le banquet grec, on connaît le banquet romain, on connaît aussi désormais par l'archéologie les banquets gaulois. Il ne faut pas manquer les banquets étrusques. Toujours dans les nécropoles, le banquet se déroule en couple à l'image de celui de la tombe d'Éléopard. Ici, la femme y paraît l'égale de l'homme. Alors ça, c'est tout un problème, là encore, très discuté. Mais je crois que la femme étrusque, alors il ne s'agit pas de parler de matriarcat, naturellement, ça c'est totalement exclu, mais la femme étrusque a quand même eu, au sein de la société étrusque, un rôle, je ne dirais pas privilégié, mais en tout cas plus important que celui de la femme grecque. Et c'est précisément ces images de couples allongés sur des lits de banquet qui suscitaient la rage, on peut le dire, des auteurs grecs, puisque pour eux, seules les courtisanes avaient le droit de participer à ces banquets dans ces conditions. Il y a aussi l'éros. Théopompe souligne même que les réunions conviviales s'achèvent par des étreintes amoureuses. Les Étrusques ne seraient-ils que des dévergondés ? Vincent Jolivet, puisque vous riez. Oui, évidemment. Non, enfin, bon, c'est difficile d'en parler parce que, aussi bien pour les Grecs de l'Antiquité que pour nous maintenant, savoir ce que pouvait être l'érotisme ou la pornographie pour les Étrusques, on en est incapable. Il y a quelques documents assez convaincants, j'irais, dans l'exposition, qui sont d'ailleurs des vases grecs. Hein. Mais l'Étrurie a été grande consommatrice de vases grecs à caractère érotique ou pornographique. Donc certainement, c'était pour eux une partie importante de l'existence et du banquet, du terme du banquet. Il y a bien sûr la tombe du taureau de Tarquinia, où là on est loin vraiment de relations conjugales. Oui, la tombe des taureaux, mais la tombe des taureaux qui comprend d'ailleurs aussi une scène mythologique, mais les scènes érotiques que l'on voit sont extrêmement difficiles à expliquer. Ce sont des scènes en partie mythologiques avec un taureau qui n'est pas un véritable taureau. Mais enfin, ce qui est amusant, c'est de penser que cette scène qui est minuscule, enfin, il y a deux scènes minuscules sur la paroi de la tombe, a été censurée dans le volume Skira sur la peinture étrusque paru dans les années 60, donc pas au siècle dernier. Et quand on regarde la photo de cette paroi, on ne voit plus les scènes érotiques qui figuraient dessus. Et puis dans l'exposition qui ouvre donc demain, on présente un beau vase grec du 5e siècle avant notre ère, à figure rouge et avec, ouvrez les guillemets, avec scène érotique comme le signale la légende, pudiquement. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Jean-Paul Tullier, Vincent Jolivet, merci beaucoup et bien sûr, bonne recherche sur le terrain. Merci à vous. Rappelons donc l'exposition « Les Étrusques, un hymne à la vie » au musée Mayol qui ouvre désormais demain. Mardi prochain à 15h30, le Salon Noir sera consacré à l'héritage arabo-islamique en Europe puisque un colloque vient de se tenir au Mucem cette semaine. Le Salon Noir était réalisé par Rafik Zénine, à la technique Alexandre Dang, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.